Par contre, le truc que j'ai adoré, c'était faire des barbecues dans la neige. Alors ça, c'est excellent. Ici, dès qu'il fait un peu de vent, ils sont planqués à la maison. On fait pas barbecue si c'est pas le mois d'août. Chez nous, on dit une burne. Pas une urne, une burne. Comme ça. C'est un mot annexe, on va dire. C'est pas dans le vrai français. Oh là, tu veux l'explication ? Alors, burne, scientifiquement, qu'est-ce qu'une burne ? Il y a le burn-out. Burne, c'est vulgaire, c'est féminin. Testicule, ça me casse les burnes. C'est même dans Wikipédia.